Chapitre 8e, l'homme qui dormait. Nous avons dit déjà ce que c'était que les Ridotti, ces académies de Bassett, où les nobles vénitiens jetaient avec insouciance leur fortune sur un tapis vert. Il était renommé entre tous le Ridotto tenu par Messer Leopardo d'Ostia. 10 à 12 salles décorées avec luxe le composaient, et une soixantaine de tables de jeu y étaient disséminées. Que de richesses étaient venues tomber dans ce gouffre! En temps de carnaval, on entrait librement dans ces tavernes, et non moins librement chacun y émettait tout haut ses observations. Seulement, le masque était de rigueur pour les assistants. Cela permettait aux femmes les plus qualifiées de venir étudier le spectacle des agitations du jeu. Et de leur côté, les cavaliers pouvaient ainsi adresser aux signorines et anonymes des galanteries que la sévérité des mœurs eût interdites à une autre époque. Tiepoli entra brusquement chez Messer Leopardo. Il était accompagné des mêmes hommes qui naguère l'avaient introduit au Broglio. Mais tandis que le jour où le brave capitaine avait mis le pied sur le terrain de la causerie politique, il était alerte, vif et tourné vers l'avenir, maintenant il semblait froid, sceptique, mort aux espérances de la vie. Il promena ses yeux autour de lui d'un air d'indifférence. Mais soudain, comme on voit l'étincelle faire courir rapidement le feu tout le long d'une traînée de poudre, il subit la commotion aimantée de l'atmosphère dans laquelle il venait de pénétrer. L'animation des joueurs, le bruit de l'or, le frôlement des râteaux, tout le saisit et le subjuga. « Vive le jeu !» dit Balthasar. « Le jeu seul donne les émotions profondes. Il peut remplacer le perfide amour. Il a des ivresses pleines de poésie. Ses défaites même se compensent par la fièvre qui active le sang de l'âme. Vive le jeu !» Tiepoli lui demanda d'un ton railleur. « S'il vous arrivait de perdre, répéteriez-vous ces mots avec une ardeur égale ?»« Un doute sur ce point serait offensant pour moi, » répliqua Balthasar. « Mais je suppose, ajouta-t-il, que si ma loyauté ne vous était connue d'avance, vous ne m'auriez pas suivi ici. » Ils s'assirent à une table, l'un en face de l'autre. Un masque vêtu d'un élégant domino de satin bleu s'approcha alors et dit en se penchant légèrement vers Tiepoli. Au jeu, ce me semble, on ne doit pas permettre à la main droite de se fier à la gauche. Et en amour ? Demanda Balthasar avec dédain. Peut-on avoir plus de confiance ? Oui, certes. La raison, s'il vous plaît, la voici. C'est qu'une femme ne cache jamais l'aversion qu'elle ressent. C'est aussi que, faisant de l'amour l'occupation de sa vie, elle lui en accorde la part la plus sérieuse. Tout cela, dit Balthasar, est passé à l'alambic. Le temps nous manque pour distiller les paroles. « Ainsi, seigneur cavalier, vous préférez une partie de cartes à la conversation d'une dame ? J'avoue que j'ai ce mauvais goût. Et votre seigneurie ? Demanda le masque à Tiepoli. « Moi, dit-il, j'ai besoin de m'étourdir. Il me faut une ivresse. Les sentiments délicats ne me conviennent plus. »« Je crois que vous vous calomniez, » répliqua la dame. Valerio la regarda fixement, puis il secoua la tête en murmurant. « C'est impossible. » se tournant brusquement vers Balthasar. « Je suis à vous, » dit-il. « Jouons. »« Bravo. » Le masque se retira un peu à l'écart et parut s'entretenir tout bas avec un nouveau venu qui avait le visage caché par un loup de velours. Le jeu ne tarda point à être animé. Il appartient à des gens de médiocre nuisance et de mince fortune de risquer au plus quelques misérables sequins. Les demi-sourires du sort leur suffisent. Mais quand on est le chevalier Balthasar Postrigui et le capitaine Valerio Tiepoli, l'on ne se met pas à jouer si la chose n'en vaut pas la peine. En cherchant un peu, ces nobles seigneurs trouvèrent dans leur mémoire des domaines de terre ferme que jamais ils n'avaient daigné visiter. Ce fut avec cela qu'ils s'attaquèrent. Balthasar se souvint d'un castello qu'il possédait à Marghera. Valerio du Castrofranco, qu'ancien oncle lui avait jadis légué et qui s'élevait dans le voisinage de Bassano. « Par tous les saints, » dit en riant le chevalier Postrigui, « je pose sur table mon castello de Marghera. Mon intendant m'a affirmé que c'est une habitation agréable, d'où la vue plane à des profondeurs infinies sur notre belle Adriatique. »« Ma foi, » répliqua Valerio, « j'en puis dire autant du Castrofranco. Il faut croire que l'endroit a un certain mérite, puisque l'éloge en est unanime. » Valerio gagna, mais tandis que sa victoire l'exaltait, Balthasar resta impassible. « Fort bien, » dit-il avec courtoisie, « cette affaire à vous. De ce moment, vous avez le droit de citer à Marghera. Mais ne me donnerez-vous pas une revanche ? Comment donc ? Répondit Valério. J'ose espérer que vous ne me considérez pas comme un de ces joueurs qui s'empressent de fuir avec le butin d'un premier succès. Peut-être serais-je plus prudent, dit le compagnon de la dame inconnue. Se retournant avec vivacité, Valério regarda fièrement ce masque qui se contenta de lui opposer un rire bénin. Ami, dit le gentilhomme, je ne sais, mais il me semble que votre voix ne m'est pas inconnue. Je cherche qui vous êtes, tout en repoussant votre officieux conseil. Je suis, si vous voulez, il signor Carnavale. Vraiment ? Eh bien, remonte sur tes tréteaux de la place Saint-Marc et laisse-moi suivre tranquillement la chance. Mais les deux masques ne bougèrent point, bien que Valério donnât des signes d'impatience à se sentir ainsi observé. Un second coup lui fut encore favorable. C'est terrible, dit-il. Pour peu que je continue de gagner des domaines, je ne ferai toute l'année que me promener sur mes terres. La dame se pencha de nouveau vers lui en murmurant. Gentil ami, ne vous plaignez pas de l'embarras des richesses. En vérité, répliqua-t-il, j'ai donc l'honneur d'avoir auprès de moi la prophétesse Cassandre, de sinistre augure. Oui, dit-elle, et la ressemblance est d'autant plus grande que nul ne prêtait l'oreille aux prédictions de la pauvre Troyenne. Jouons, seigneur, dit fébrilement Balthasar. Heureux homme, ajouta-t-il, en cherchant à pénétrer de son regard perçant l'incognito du masque, vous gagnez sous l'influence de la beauté. La dame fit un geste de dédain, son compagnon un geste de joyeuse moquerie. Mais alors le vent tourna et enfla la voile de Balthasar. Le domaine de Marghera fut reconquis par lui, ainsi que toutes les autres possessions qui étaient venues agrandir le patrimoine de Valério. Les choses sont comme au début, dit la dame à Tiepoli. Vous devez étouffer de chaleur dans ce salon. Soyez galant. Donnez-moi votre bras et partons. Valério se pencha vers elle et se fit à demi-voix seulement qui lui dit « Vous êtes adorable. » Elle tressaillit. « Ne soyez point choqué. J'ai parlé sincèrement. Votre grâce décente, votre simplicité digne me rappelle exactement la plus exquise des créatures. » Elle tressaillit de nouveau. « Mais, poursuivit-il, quand bien même vous m'accorderiez la haute faveur de deviser cela seul avec vous, je ne quitterai pas cette table ensorcelée. « Allons, dit froidement Balthasar, je vais recommencer comme j'ai déjà fait. Et puisque nous sommes revenus au point de départ, je mets au jeu mon castello de Marghera, que le sort m'a rendu. « Je vous ai mis de nouveau, dit gaiement Valério, et je joue mon Castrofranco. » Les amis de Postrighi l'entourèrent. Des tables voisines ont regardé avec curiosité. Cependant la chance continuait de favoriser Balthasar. Valério vit tour à tour lui échapper des enjeux énormes, dont chacun équivalait à une fortune ordinaire. Maison, terre, métairie, tout disparaissait, comme ces feuilles jaunies que la bise d'automne arrache des arbres et chasse violemment devant elle. Le vertige s'est emparé du malheureux. À peine trouvait-il la force d'étouffer sa mise. Il cherchait à se rappeler. Il ne savait plus. « Est-ce qu'il me reste encore quelque chose, mon Dieu ? » dit-il enfin d'un accent rauque. La voix sèche et pénétrante de Balthasar répondit. Il vous reste votre palazzo sur le canal Maggiore. Va pour le palazzo, s'écria Tiepoli. Mais par une restriction subite, et remarquant que la dame inconnue semblait s'affaisser sur elle-même, attendez, attendez, je consens à jouer à la maison, sauf le jardin, où j'ai vécu les tranquilles heures de mon enfance. Je n'accepte pas un enjeu incomplet, répliqua Balthasar. Tiepoli s'était levé incertain, frémissant, l'œil plein de flammes, mesurant du regard ce partenaire qui lui apparaissait maintenant comme un démon acharné à sa perte. Sans céder complètement, il fit une concession. « Je veux bien, dit-il, risquer le jardin avec le palazzo, mais j'entends, si je perds, me réserver la propriété de l'arbre qui domine ce petit carré de terre. Ce platane, mes chers, a des titres sacrés. » « Étrange fantaisie, dit Balthasar. Eh bien, je me soumets au désir sentimental que vous avez exprimé. » Interpellant alors la galerie, « Messieurs, soyez témoins que l'arbre est accepté. » « Mais j'y songe. Si je deviens possesseur du jardin, comment ferais-je, n'ayant pas l'arbre, pour en avoir l'ombre ?»« Charmante plaisanterie, » riposta Valério les dents serrées. « J'ai eu la richesse et je n'en ai plus que l'ombre. On peut donc avoir l'ombre. Sans l'arbre, jouons. » En cet instant, la dame s'était penchée si avant sur le dossier du fauteuil de Valério que le jeune gentilhomme pouvait sentir son souffle pur. Il perdit. Et celle qu'il observait avec tant d'anxiété fit un mouvement si désespéré qu'elle en brisa les cordons de son masque. Bien qu'il fût accablé, Valerio ne put réprimer ce cri « Aurélia, Aurélia !»« Oui, » dit-il avec douleur, « celle que tu n'as pas écoutée, ingrat et sourd que tu étais. Adieu !» Elle couvrit son visage et se dirigea rapidement vers la porte du salon. Bientôt elle eut disparu, tandis que Tiepolo, doublement désespéré, s'efforçait de la rejoindre avec des paroles de soumission et de repentir. Peine inutile, la jeune patricienne avait déjà gagné le bord du canal. Tout à coup, le compagnon d'Aurélia barra le chemin à Valerio en criant à tue-tête « C'est lui! C'est lui! C'est mon traître! Je l'ai reconnu !» Et comme le dit personnage s'était, pour mieux courir, débarrassé de son masque, Valerio, stupéfait, mit en lui le nez Tony Scarpa. « Quoi, mon garçon, c'était toi qui escortais ma cousine ?» Mais l'autre, tout essoufflé, tout ému, « Maître, cher maître, une découverte, j'ai fait une découverte !»« Bien, bien, en attendant, tu m'arrêtes, et Aurélia m'échappe. Elle vous aime tant !» Tony tirait par la manche l'impétueux Tiepoli, dont le regard flottait entre la gondole d'Aurélia et la maison de jeu. « Je vous en supplie, maître, daignez m'écouter. » « Parle donc. » Il y a quelques jours, un homme jetait un billet au dénoncier. J'étais là, non loin de la gueule de bronze, je remarquai que cet homme tournait son bras derrière lui d'une certaine manière en glissant le papier. Je ne reconnus pas le dénonciateur. Or voilà qu'à l'instant même, le seigneur Balthasar, se penchant avec une joie d'enfer vers son ami le seigneur Giosefo, a fait exactement le même geste. Voyez-vous, c'est une révélation. On me couperait la tête pour l'accrocher comme celle d'un infâme turc à la grande porte de l'arsenal, que rien ne m'empêcherait d'affirmer cette chose. Don Balthasar aime votre cousine et vous déteste. Il a juré votre perte le jour même où vous êtes revenu à Venise. C'est un noble, oui, mais il a le cœur plus vil qu'un uscoq. Je vous dis que c'est lui qui a dénoncé votre seigneurie. S'il était vrai, s'écria Tiepolo avec rage. L'homme de guerre chercha une épée à son côté. Que faites-vous, maître? Méprisez-le, Tony, dit le capitaine, comme par inspiration. Si en fait c'est un traître, j'en appelle contre lui au jugement de Dieu. Où allez-vous encore? Là, répondit le gentilhomme, montrant du doigt la maison fatale où sa fortune s'était engloutie. Il y courut sans écouter davantage le serviteur éploré, entra aussi froidement que si son cœur n'était pas agité par les émotions les plus violentes, et se posant avec un calme apparent devant son ennemi. « Seigneur, dit-il, je viens de réfléchir que vous aviez raison, et que pour jouir de l'ombre, il vous faut posséder l'arbre. Je vous offre donc cet arbre comme dernier enjeu. Acceptez-vous ? Parfaitement, dit Balthasar. Tony, qui avait replacé son masque sur son visage, dit alors de façon à être entendu « Mémorable partie, où ne manquent pas les témoins. » Et plus bas, il n'y en avait qu'un, l'autre soir, près de la gueule de lion. Balthasar devint tremblant, ses mains semblèrent avoir peine à tenir les cartes. Ce trouble n'échappa point à Valerio. « Continuons, » dit-il, mais Postrigi ne faisait aucun mouvement. « Ne m'entendez-vous pas ? » demanda Tiepoli. Son adversaire, se levant en sursaut, dit avec une fureur concentrée. « Le jeu a duré assez. »« Ce n'est pas ce que vous déclariez tout à l'heure. J'en appelle à la compagnie. »« C'est inutile, » dit vivement Balthasar, « mais que cette revanche soit la dernière. » « Rassurez-vous, » dit Valerio, avec un inexprimable dédain, « je n'en veux point d'autre. » « Moi non plus, je suis excédé de fatigue. » « Oui, » ricana le masque, « il est moins fatigant de se promener du côté des lions de bronze. »